بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue le 9e cours, ou celui-ci est le 9e cours du livre Taysir al-Allam, l'explication de Umdat al-Ahkam, une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, et un livre de l'Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, rahmatullahi alayhi. Le cours dernier, on avait expliqué les hadiths 14, 15 et 16. Le 14e hadith qui se propose de nous le réciter. Naam Hassan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام مفهوم إذا ودت من ماء وعنزة فيستنجي بالماء رواه البخاري ومسلم. نعم. والعنزة الحربة الصغيرة. Vous l'avez pas? نعم. Vous l'avez pas dans le matin? طيب. Donc c'est peut-être une explication apportée par l'auteur. أحسنت. Le hadith 15. 15e hadith, le hadith de Abi Qatada. Qui se propose? Salim, تفضل. Et le 16e hadith, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui se propose. Qui se propose? Fadal. Hamid. Le 16e hadith. Issa. 16e hadith. Akhi. Qui connaît le 16e hadith? Qui connaît le Sama? Salim, c'est tout. Salim, Hassan, toutes les semaines, c'est quasiment les deux qui récitent. À quoi le hadith? Il faut apprendre les hadiths du professeur Assalam. On a vu que c'était extrêmement important et que la récompense était grande. Et c'est ce qui va te permettre que la science va rester le plus longtemps possible. Car, comme disent les savants, la science, il faut d'abord l'apprendre, ensuite la comprendre et la mémoriser. Il faut l'apprendre, la comprendre et la mémoriser. À quoi le hadith d'Abdullah ibn Abbas, c'est le 16e hadith عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من باب البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه البخاري ومسلم. طيب نبدأ الحديث 17. يقول المؤلف رحمه الله باب السواك. السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. ومناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم، وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Puis l'auteur entame le chapitre du siwak. Le siwak, qui est le nom d'un morceau de bois avec lequel l'on se purifie, avec lequel on se brosse les dents. Et un siwak signifie deux choses. Il peut signifier le bois avec lequel on se brosse les dents, mais il signifie aussi l'acte de se brosser les dents avec un morceau de bois ou similaire. Et ce qui est le plus répandu comme bois pour faire le siwak, c'est oud al-arak. C'est oud al-arak, on avait dit que c'était les racines d'un arbre appelé al-arak. Mais tu peux faire le siwak avec tout autre morceau de bois, comme l'ont affirmé beaucoup de savants parmi Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah, en donnant quelques conditions, à savoir que le bois doit être un bois qui puisse être ramolli, à savoir que ce ne doit pas être un bois rigide, même s'il est en contact de la salive, mais ce doit être un bois qui, lorsqu'il est humidifié, devient souple, et ceci pour ne pas se faire mal à soi-même en se brossant les dents avec un bois rigide qui pourrait faire saigner les gencives ou autre. Donc le siwak, c'est le fait de se brosser les dents avec tout type de bois, à condition qu'il permette d'arriver au but, qui est de purifier les dents et la bouche. Donc Cheikh Al-Bassam dit, et il est aussi utilisé, c'est-à-dire le terme siwak, pour signifier le fait de brosser les dents avec un bout de bois ou autre, afin de faire disparaître les impuretés et la couleur jaunâtre des dents, et également pour purifier la bouche et avoir une récompense. Et le fait de citer ce chapitre ici, ou ce chapitre a été cité ici, car il fait partie des sunan de l'wudu. Il fait partie des actes à faire et recommander pendant les ablutions. Et également, c'est un moyen de purification qui a été encouragé et pour lequel nous a conseillé, lequel nous a conseillé de faire, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Bab al-Siwak, le chapitre du Siwak, fait partie des chapitres du livre général de la purification. Et il y a énormément de mérites dans le siwak. Premièrement, il y a un mérite, à savoir qu'il permet de purifier et de se nettoyer. Il y a aussi un bénéfice au niveau de la santé. L'utilisation du siwak permet d'évacuer et d'éliminer les mauvaises odeurs présentes dans la bouche, de parfumer celles-ci, d'acquérir des bonnes actions, et également le fait de faire le siwak est un moyen ou un acte par lequel tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul al-muallif al-hadith al-sabi' ashar, le 17e hadith. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه لو رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, ou que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. عند كل صلاة أي قبل كل صلاة. Avant chaque prière. Non, il y a deux hadiths. Il y en a un عند مع كل وضوء et l'autre عند كل صلاة. Mais ici le hadith qu'a cité l'Hafid ibn Ghani, l'Abd al-Ghani al-Maqdisi, est le hadith qui parle de l'utilisation du siwak qui précède la prière, juste avant la prière. المعنى الإجمالي لسان جنرال من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوك فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وأجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه. Le sens général du hadith fait partie du caractère parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa transmission de l'islam, et fait également partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait envers sa communauté. Tout ceci a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à conseiller et à encourager sa communauté à franchir toutes les portes qui leur apporteraient un bien, et ceci afin qu'ils connaissent la plus parfaite félicité dans cette vie d'ici-bas. Et parmi ces choses qu'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, c'est le fait d'utiliser le siwak. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il y avait dans le siwak de nombreux bénéfices et qu'il y avait des conséquences bonnes à long terme comme à court terme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a presque ordonné à sa communauté d'utiliser le siwak avant chaque prière. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux, il avait peur que s'il faisait cela, Allah azza wa jal l'ordonne à ses serviteurs et qu'il leur ordonne d'utiliser le siwak, que ce soit une obligation, et que ceux qui ne l'utiliseraient pas ensuite seraient considérés comme des pécheurs. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu d'ordonner son utilisation à sa communauté de peur pour eux et par compassion vis-à-vis d'eux. Mais malgré tout cela, il a fortement encouragé et fortement conseillé sa communauté à utiliser le siwak. Le professeur sallam a presque ordonné dans le hadith laula an ashqa ala ummati, si ce n'était une contrainte pour ma religion, pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Quelle est cette contrainte? C'est que si le professeur sallam l'avait ordonné, Allah azza wa jalla aurait pu descendre une révélation qui viendrait appuyer cet ordre et cette obligation. Et il serait alors obligatoire pour chaque musulman d'utiliser le siwak avant chaque prière. Ceci aurait été une contrainte pour eux, car tout le monde n'a pas forcément un siwak à sa disposition, et ceci pourrait être une chose gênante, surtout que si les musulmans ne la faisaient pas, eh bien ils seraient considérés comme pécheurs et auraient à leur compte de mauvaises actions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime parce qu'il aime sa communauté, parce qu'il est doux et miséricordieux envers elle, ne leur a pas ordonné, mais les a fortement conseillés à son utilisation. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan istihbab al-siwak wa fadlih alladhi balagha bihi darajat al-wajibat fi al-thawab. Premièrement, on retient du hadith le caractère préférentiel de l'utilisation du siwak, ainsi que ses mérites. Un mérite dont les degrés atteignent les degrés des choses obligatoires. Thaniyan, ta'akkudu mashru'iyyati as-siwak 'inda as-salah. Qala Ibn Daqiq al-'Id, as-sirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwal at-taqarrub ila Allah jalla wa 'ala an nakuna fi halati kamalin wa nadhafatin إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. La deuxième chose que l'on retient du hadith, Alors, on retient de ce hadith qu'il est légiféré d'utiliser le siwak avant chaque prière. Beaucoup le font, mais il faut qu'ils considèrent et qu'ils sachent que cela fait partie de l'islam et que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, a dit, et le secret dans cela, c'est que il nous est ordonné, dans toutes les situations dans lesquelles nous adorons Allah Azza wa Jal et dans lesquelles nous nous rapprochons de lui, que nous soyons dans notre meilleur état, dans le meilleur état moral, mais également en termes de propreté. En termes de propreté, et ceci pour montrer que cette adoration est une adoration importante et que c'est une adoration sharif, hein, comment dire sharif, noble, que c'est une adoration noble. Et il a été dit, c'est-à-dire d'autres savants ont dit, que la sagesse dans l'utilisation du siwak est en rapport avec les anges, car les anges sont offensés par les mauvaises odeurs. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, a dit, et il n'est pas impossible que le secret ou la sagesse de l'utilisation du siwak avant la prière est l'ensemble des deux raisons citées. À la fois le fait que d'utiliser le siwak permet de se purifier la bouche, d'être dans le meilleur état que la personne puisse être, et ceci en guise de respect vis-à-vis de l'adoration qu'il s'apprête à accomplir, mais également pour ne pas offenser les anges. Et la preuve est le hadith rapporté par Muslim selon Jabir radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange de l'ail ou bien de l'oignon ou bien du poireau, qu'il n'approche pas nos mosquées, car les anges sont dérangés par les choses qui dérangent les fils d'Adam. Ou les choses qui portent préjudice aux fils d'Adam portent également préjudice aux anges. Et le fait de consommer de l'ail, ou bien de l'oignon, ou bien du poireau, eh bien la personne qui a consommé ces trois légumes, si on peut appeler tout cela des légumes, cela va engendrer une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine qui va offenser la personne qui va prier avec lui, mais pas uniquement la personne qui sera à ses côtés, mais aussi les anges qui sont à proximité de lui. Et concernant l'oignon et le poireau, ce sont bien sûr le fait de les consommer crus, car celui qui les consomme cuits, eh bien, ne provoque pas de mauvaise haleine après leur consommation. Thalithan, fadlu al-wudu'i wa as-salati al-musta'mali ma'ahuma as-siwak. Troisièmement, on retient de ce hadith le mérite des ablutions et des prières dans lesquelles le siwak a été utilisé. Celui donc qui utilise le siwak pendant les ablutions, là. Pendant les ablutions, c'est au moment de laver la bouche. Comme on dit, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen entre autres, que le siwak pendant l'eau s'utilise au moment de se laver la bouche. Juste avant, lorsque tu te laves les mains, tu laves ta bouche, tu fais le siwak et ensuite tu laves ta bouche. Et le mérite d'utiliser le siwak pendant les ablutions est cité dans un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait ses ablutions et celui qui prie en utilisant le siwak, le mérite et la récompense de sa prière ne sera pas égal et sera supérieur à celui qui aura fait ses ablutions et accompli sa prière sans l'utilisation du siwak. Rabi'an, innahu lam yamna' min fard as-siwak illa makhafat al-mashaqqah fi al-qiyam bih. Quatrièmement, ce qui a empêché l'obligation du siwak, ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner à sa communauté d'utiliser le siwak, était la peur que cela soit une contrainte pour eux, quelque chose qu'il ne pourrait pas faire systématiquement. خامسا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم. Cinquièmement, l'on en déduit la parfaite compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté et le fait qu'il avait peur pour eux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux. Et Allah azza wa jalla a décrit ainsi son envoyé sallallahu alayhi wa sallam: لقد جاءكم رسول من أنفسكم, est venu à vous un prophète faisant partie de vous, azizun alayhi ma anittum, c'est-à-dire que ce qui vous fait mal lui fait mal aussi, ce qui vous fait de la peine lui fait de la peine aussi. Harisun alaykum, qui ne prend pas à la légère votre situation et il œuvre pour que vous soyez guidés et pour que vous restiez sur le droit chemin. Bil mu'minina raufur rahim, et envers les croyants doux et miséricordieux. Alayhi salatu wa salam. Sadisan, inna shar'a yusrun la usra fihi wa la mashaqqa. Sixièmement, l'on en déduit que la religion est facilitée, point de difficulté dans celle-ci. Point de difficulté et point de contrainte. Et ça, c'est un point extrêmement important, à savoir que l'islam est une religion simple, c'est une religion aisée. Et en aucun cas la religion musulmane est une religion de contrainte ou une religion de difficulté. C'est une religion qui peut être comprise par n'importe qui. Les savants disent qu'Allah Azza wa Jal a légiféré l'islam et l'islam peut être compris par n'importe quel être humain. Quelle que soit son intelligence, eh bien il est simple de comprendre qu'il y a un seul créateur et que c'est ce seul créateur que tu dois adorer, et que ce créateur a envoyé un prophète pour transmettre le message, et que lorsque tu pries, tu te diriges vers une seule et même direction, derrière une seule et même personne qui est l'imam, etc., etc. C'est une religion extrêmement simple. Et comme je l'ai dit, je le répète, celui qui trouve que la religion musulmane est difficile ou qu'elle comporte des contraintes, c'est soit quelqu'un qui ignore cette religion, ou soit quelqu'un qui fait plus que ce que la religion lui demande de faire. Sabi'an, inna dar' al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih. Wa hadhihi qa'idatun umumiyyatun nafi'atun jidda. Fa inna al-shari' al-hakim taraka fard as-siwak ala al-ummah ma'a ma fihi min al-masalih al-'azimah khashyata an yafridahu Allah 'alayhim fala yaqumu bih. فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. Septièmement, l'on en déduit de ce hadith une règle extrêmement importante en islam, qui est que le fait de s'éloigner des mauvaises choses précède le fait d'en faire des bonnes. Et comme le dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, ceci est une règle générale extrêmement importante et bénéfique. Car le législateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, taraka fard as-siwak 'ala al-ummah, a délaissé l'obligation du siwak envers la communauté musulmane, malgré que celui-ci comporte de nombreux bénéfices. Et ceci de peur que cela ne puisse pas être appliqué par cette communauté et que le fait de ne pas l'appliquer, eh bien, engendre beaucoup de mal et sera considéré comme délaisser une obligation religieuse. Donc ici, il y a le fait de faire un bien et le fait d'éviter un mal. Concernant le siwak, quel est le mal qui est évité? La contrainte et le fait de ne pas pouvoir utiliser ce siwak à chaque fois. Et de ne pas l'utiliser serait considéré comme un péché et donc des mauvaises actions qui en découlent. Donc ça, c'est le mal qui est évité. Et ce mal évité a-t-il précédé le bien? Oui ou non? Il y a un bien dans l'utilisation du siwak. Le bien, on l'a vu, c'est le fait de se purifier la bouche, c'est le fait d'éliminer les mauvaises odeurs, c'est le fait d'être dans le meilleur état qui puisse être lorsque l'on s'apprête à faire une adoration, c'est une satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est des bonnes actions à la clé. Donc tout ce bien a été laissé, pourquoi? Pour éviter le mal. Donc d'éviter le mal en islam prévaut sur le fait de faire un bien. طيب الحديث الثامن عشر le 18e hadith عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك البخاري ومسلم قال المؤلف معناه يغسل ويدلك يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله selon حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, nettoyait sa bouche en utilisant le siwak. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'auteur a dit, la signification de yashous signifie de laver, de nettoyer en frottant. De nettoyer en frottant. Il est dit shasahu, yashusuhu, amasahu, yamusuhu, qui sont des synonymes, lorsqu'il le nettoie. Al-ma'na al-ijmali. Min mahabbati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-nadhafati wa karahatihi lil-ra'ihati al-kariha. Kana idha qama min nawm al-layl al-tawil, alladhi huwa madhannatu taghyir ra'ihati al-fam, dallaka asnanahu sallallahu alayhi wa sallam bis-siwak. ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. Le sens général du hadith. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la propreté et détestait les odeurs nauséabondes. Ainsi, lorsqu'il se levait de son sommeil après une nuit longue, qui est un moment dans lequel l'odeur de la bouche change, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se brosser les dents en utilisant le siwak, afin d'éliminer ces mauvaises odeurs et afin également d'être réveillé et d'être éveillé après le sommeil pour pouvoir prier. Car parmi les particularités du siwak également, c'est le fait qu'il éveille et qu'il qu'il éveille et donne de l'énergie. Barakallahu fik. Et qu'il stimule. Naam. On peut dire ça aussi. Donc ça aussi, cela fait partie des bénéfices et des mérites du siwak que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est qu'il permet de s'éveiller, d'avoir de l'énergie et d'être stimulé pour être dans le meilleur état qu'il soit afin de prier la nuit. Ma yu'khadhu min al-hadith awwalan ta'akkudu mashru'iyyati al-siwak ba'da nawm al-layl wa 'illatuhu anna an-nawma muqtadun anna an-nawma muqtadun لتغير رائحة الفم والسواك هو آلة تنظيفية ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est le caractère légiféré de l'utilisation du siwak après le sommeil la nuit. Et la raison est que ce sommeil, comme on l'a précédemment cité, c'est durant ce sommeil que l'odeur de la bouche change et se détériore, et le siwak étant un outil qui permet de purifier, ainsi il est autorisé d'utiliser le siwak après chaque changement, c'est-à-dire lorsque il y a l'utilité d'utiliser le siwak, alors il est autorisé de le faire. Si l'odeur de ta bouche change, que ce soit après le sommeil de la nuit ou que ce soit pendant la journée, dans tous les cas, il t'est autorisé de l'utiliser. ثانياً تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذاً من المعنى السابق. Également, cela aussi est légiféré, comme on l'a vu, d'utiliser le siwak à chaque fois que l'odeur de ta bouche est modifiée, et ceci en prenant le sens général du hadith. ثالثاً مشروعية النظافة على وجه العموم وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. Également, on dit de ce hadith le fait que la propreté est légiférée dans sa totalité en islam. Que la propreté est légiférée dans sa globalité en islam et qu'elle fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle fait également partie des comportements les plus élevés. نعم نعم bien sûr on peut le couper et renouveler la tête du siwak et on va le voir justement dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui suit que c'est ce qu'elle a fait et c'est ce qui est demandé de faire lorsque l'on te prête un siwak qu'il est autorisé d'utiliser le siwak d'autrui et que le mieux est de couper la tête usagée et de faire en sorte d'en créer une nouvelle. Al-Hadith al-Tasi'ashar. An Aisha radiyallahu anha qalat, dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma ala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي رواه البخاري وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم رواه البخاري هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم. Le 19e hadith selon Aisha رضي الله عنها الجي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق est rentré chez le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il était il avait la tête posée sur ma poitrine, c'est-à-dire la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était adossé à la poitrine de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et avec Abdurrahman, c'est-à-dire le fils d'Abu Bakr, qui était le frère de Aïcha radiyallahu anha. Et Abdurrahman avait avec lui un siwak frais, c'est-à-dire qui n'était pas sec, mais qui était humide, avec lequel il se brossait les dents. فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Et le prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ a regardé le siwak et l'a scruté du regard. Et Aïcha radiallahu anha dit, j'ai alors pris le siwak et je l'ai mâché et je l'ai purifié. Puis je l'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est brossé les dents avec. Et elle dit, radiallahu anha, et je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se brosser les dents mieux que cette fois-ci. Et lorsqu'il a terminé de se brosser les dents, il a levé sa main ou son doigt, puis a dit « Fir Rafiq al-A'la », c'est-à-dire « avec la compagnie la plus élevée ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cela à 3 reprises. « Thumma qudriya alayhi », puis il est décédé et son âme a quitté son corps. « Wa kanat taqul » et Aïcha radiallahu anha disait « Il est mort bayna haqinati wa zaqinati », il est mort entre mes clavicules et mon cou, entre mes clavicules et mon cou. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Et dans une autre version de Al-Bukhari, Aïcha radhiyallahu anha a dit: et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarder vers sa direction, c'est-à-dire vers la direction du siwak de Abdul Rahman, son frère. Et j'ai su qu'il aimait le siwak. Et je lui ai dit, veux-tu que je le prenne pour toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe de sa tête en disant oui. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Et le hadith est similaire, où il y a un hadith similaire rapporté par Muslim dans son sahih, mais les termes, أو ليس هذا الحديث بهذا المعنى عند مسلم مي الحديث المسلم لا pas exactement le même sens que celui-ci. غريب الحديث يستن به يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها يستن به dans le hadith signifie le fait de passer le siwak sur ses dents comme s'il les aiguisait, comme s'il les aiguisait. ثانيا فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال مد إليه بصره وأطاله. فأبده dans le hadith, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le siwak de Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, c'est-à-dire qu'il a regardé et qu'il l'a regardé longuement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a longuement regardé le siwak de Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. Thalithan, bayna haqinati wa dhaqinati. Al-haqina ma bayna at-tarquwatayni wa habl al-atiq. Wa dhaqina taraf al-hulqum al-a'la. Troisièmement, La parole de Aïcha radhiyallahu anha, qui disait souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort entre mes clavicules et mon cou, al-haqinah, qui est l'endroit situé entre les clavicules et la veine jugulaire. Wa dhaqinah taraful hulqum al-a'la. Et al-dhaqinah, c'est la partie supérieure du cou. La partie supérieure du cou, donc entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était posé à cet endroit du corps de Aïcha radiallahu ta'ala anha, et elle s'en vantait, elle se vantait de cela. Rabi'an, faqadimtuhu bifathi al-qafi wa kasri al-dadi al-mu'jamah kada dabatahu ibn al-athiri wa ghayrih kada dabatahu ibn al-athiri wa ghayruh ay madaghathu bi-asnaniha liyalin والقضم بأطراف الأسنان والخضم بالفم كله. فقدمته. Et lorsque Aïcha radhiyallahu anha a pris le siwak de Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, elle l'a mâché. C'est-à-dire qu'elle l'a mâché avec ses dents afin qu'il devienne tendre, afin que le siwak devienne tendre. والقضم بأطراف الأسنان. Et il y a une différence en arabe entre القضم et الخضم. القضم, c'est le fait de mâcher avec le bout des dents, et الخضم, c'est le fait de mâcher en insérant à l'intérieur de la bouche. المعنى الإجمالي, le sens général du hadith. تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخ عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع وهو سواك ولو معه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها له، فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقوض ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه، فلما طهر وفرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة وحق لها بذلك بأنها توفي ورأسه في صدرها. Le sens général du hadith. عائشة رضي الله عنها nous raconte une histoire dans laquelle elle nous explique l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le siwak et son attachement à celui-ci. Et cela lorsque Abd Rahman ibn Abi Bakr, le frère de Aisha radiallahu anha, est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la situation difficile, autrement dit dans les derniers instants de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait avec lui un siwak qui était humide, qui n'était pas sec, avec lequel il se brossait les dents. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le siwak avec Abd Rahman, ou a vu le siwak de Abd Rahman, eh bien, la maladie qui le faisait souffrir et les derniers instants n'ont pas été un obstacle entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son amour du siwak. Et il a regardé longuement ce siwak comme celui qui le désire. Et Aïcha radiallahu anha a compris cela. Elle a alors pris le siwak de son frère. Elle a coupé la tête du siwak qui était utilisé. Elle a mâché cette tête une seconde fois. Elle l'a purifiée et l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est brossé les dents avec. Et Aïcha radiallahu anha n'a pas vu un brossage des dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi parfait que celui-ci. Et lorsqu'il a terminé de se purifier et d'utiliser son siwak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son doigt au ciel pour montrer l'unicité d'Allah et le fait qu'il préfère partir auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis il est décédé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha était fière de cela, et elle a le droit de l'être, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que sa tête était sur sa poitrine. ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا الاستياك بالسواك الرطب. حمك الله. On retient du hadith tout d'abord que le mieux est d'utiliser, de faire le siwak en utilisant un siwak qui n'est pas sec, autrement dit qui est nouveau et qui a une certaine humidité encore. Thaniyan, islah as-siwak wa tahyi'atuh, qu'il est légiféré de prendre soin du siwak, de le préparer et de l'arranger si besoin. Thalithan, الاستياك بسواك الغير بعد تطهره وتنظيفه. Qu'il est autorisé d'utiliser le siwak d'autrui après l'avoir purifié et nettoyé. رابعا العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة. À savoir que que on déduit de ce hadith la mise en pratique d'un acte suite à un signe. Suite à un signe. Car Aïcha radhiyallahu anha a pris le siwak de son frère lorsqu'elle a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait celui-ci. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas prononcé de sa bouche, mais il a fait un signe par lequel cela est compris. Autrement dit, il est autorisé que une approbation qui est faite, ou lorsque une personne veut te faire comprendre une chose par des gestes, il t'est autorisé d'agir en conséquence. Khamisan, al-rafiq al-a'la, c'est-à-dire la compagnie la plus élevée, hum al-musharu ilayhim fi surat an-nisa, sont ceux qui ont été désignés dans surat an-nisa. وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et ce sont, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Les Femmes, le verset 69, ce sont ceux à qui Allah Azza wa Jalla a comblé de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ce sont eux la plus haute compagnie, la compagnie la plus élevée. Et c'est cette compagnie qu'a souhaité le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, à savoir de mourir et d'aller auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès de toutes ces personnes. Al-Hadith al-Ishroun, le 20e hadith. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه, il dit: je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se brosser les dents à l'aide d'un siwak non sec ou humide. Il a dit, c'est-à-dire Abu Musa al-Ash'ari, wa tarafu siwak 'ala lisanihi, et le bout de son siwak était sur sa langue. Et il disait ur ur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ur ur. Le siwak était dans sa bouche comme si il avait ou comme s'il voulait vomir. Comme si le professeur sallam voulait vomir, hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Awalan ur bi dhamm al-hamzati wa sukun al-muhmala. Hikayatu sawt al-mutaqayyi asluha hu' fa'ubdilat hamzah. Donc dans le hadith, qui est un mot qui reflète le bruit de celui qui vomit. Et initialement, le terme est hur hur, mais le ha a été changé par une hamza. Thaniyan, ka'annahu yatahawwa. At-tahawwa. Deuxièmement, comme s'il vomissait. Et ici, le terme qui a été utilisé, c'est le terme at-tahawwur, qui est le fait de vomir en émettant un bruit. Car des personnes peuvent vomir sans faire de bruit, mais ici, ce qui est voulu, c'est le vomissement qui est accompagné d'un bruit ou d'un son. Al-ma'na al-ijmali. يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقى. le sens général du hadith. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu raconte qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de se brosser les dents avec un siwak humide. Car en utilisant ce genre de siwak, la purification est plus parfaite et plus complète. Donc pourquoi est-ce qu'il est recommandé d'utiliser un siwak nouveau, un siwak qui n'est pas sec, mais plutôt humide, car il nettoie plus qu'un siwak sec. Et également parce que le siwak humide ne s'effrite pas comme le siwak sec, un effritement qui pourrait faire du mal, qui pourrait faire mal à la bouche. وَقَدْ جَعَلَ السِّوَاكَ عَلَى لِسَانِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé le siwak sur sa langue et il a accentué dans son brossage jusqu'à ce qu'il allait presque vomir ou comme s'il vomissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dans son brossage comme s'il vomissait. مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Ce que l'on retient du hadith. أولاً مشروعية التسوك بالعود الرطب وأن السواك من العبادات والقربات. Premièrement, qu'il est légiféré de se brosser les dents avec un morceau de bois qui est frais et que le siwak fait partie des adorations et des moyens qui permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, mashru'iyatul mubalaghati fi siwak fi tasawuk li'anna fil mubalaghati kamalul inqa. Deuxièmement, il est autorisé d'accentuer le brossage et d'insister dans celui-ci, car en insistant dans le brossage, cela permet de laver de façon plus complète et de nettoyer de façon plus complète. Thalithan, an yasta'mil as-siwak fi lisanihi fi ba'd al-ahyan. Troisièmement, on lit de ce hadith qu'il est autorisé d'utiliser le siwak et de brosser sa langue de temps en temps. Donc dans le siwak, il est utilisé pour brosser les dents, pour purifier la bouche, mais il est aussi autorisé de se brosser la langue. Et en général, la mauvaise haleine est issue le plus souvent non pas de ce qui est présent sur les dents, mais plus sur la langue. Et tout le monde vous le conseillera, à savoir qu'il y a d'énormes bénéfices à se brosser également la langue. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.